Le pied de la croix, les douleurs de Marie par le révérend père Frédéric William Faber, édition Brereto. Markem d'anarchive.org. D'après la numérisation de la bibliothèque Sainte-Geneviève, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique. Chapitre 4. Troisième douleur, les trois jours d'absence. La mère sans l'enfant, c'est là, assurément, un bien grand changement dans les douleurs de la Sainte Vierge. Bethléem avait eu ses douleurs, Nazareth de plus grande encore, et, sur le calvaire, le flot s'éleva à sa plus grande hauteur. Mais, dans tous ces lieux, la mère était avec son enfant. Il y avait donc de la lumière, même dans les ténèbres. Dans cette troisième douleur, les trois jours d'absence, il n'en fut pas ainsi. Quand nous voulons représenter notre Sainte Mère, par rapport à ses grâces particulières, comme dans l'Immaculée Conception, nous la peignons sans son enfant, regardant le ciel, comme pour montrer qu'elle était une créature sur laquelle le ciel répandait par torrent la grâce émanée du Créateur. Quand nous désirons la voir telle qu'elle est pour nous, comme la mère par les mains de qui le Fils se plaît à faire passer ses grâces, nous la représentons aussi sans son enfant, les yeux baissés vers la terre et les mains répandant la lumière et la fraîcheur sur le monde. Mais, dans l'Écriture, il y a deux tableaux de la Sainte Vierge sans enfant, et ces images n'ont pas de rapport avec celles dont nous venons de parler. L'une est celle de sa troisième douleur, au moment où, dans un étonnement douloureux, elle parcourt Jérusalem pour découvrir Jésus, et l'autre est celle de la septième douleur, quand elle revient, à la nuit tombante, du Saint-Sépulcre à la grande cité, laissant derrière elle l'objet de son amour enseveli dans sa demeure de roc. Ainsi les ressemblances de la Passion s'entremêlent de plus en plus avec la Sainte Enfance. Elles s'y mêlent surtout dans cette troisième douleur, qui, aussi bien à l'égard de Jésus qu'à l'égard de Marie, est un des plus grands mystères des 33 années. Cependant, il nous touche simplement comme concernant la douleur de Marie. Le calme de la vie de Nazareth n'était interrompu que par les devoirs de la religion, qui apportaient de nouvelles bénédictions à la sainte demeure, et en augmentaient la tranquillité. D'après la loi, les Juifs étaient obligés d'aller à Jérusalem trois fois par an pour adorer Dieu, à moins qu'ils n'en fussent légitimement empêchés. La première fois était à la Pâque, ou fête des pains sans levain, instituée en mémoire de la sortie d'Égypte, et correspondant à notre fête de Pâques. C'était la plus grande de toutes. La seconde fois était à la fête des semaines, ou la Pentecôte. La troisième était à la fête des tabernacles, la fête de l'allégresse et de la reconnaissance, qui devait être célébrée quand on avait terminé la moisson et la vendange. Joseph se rendait chaque année à toutes ces fêtes. Les femmes n'étaient pas liées par cette loi, et quelques saints contemplatifs ont dit que, tandis que Joseph allait à Jérusalem trois fois par an, Marie y allait avec Jésus seulement une fois à la Pâque ou fête des pains sans levain. Cinq années s'étaient écoulées depuis le retour d'Égypte, et Jésus avait 12 ans. Cette année-là, comme le récit de l'Évangile nous l'apprend, il se rendit à Jérusalem, pour la Pâque, avec Marie et Joseph, et, d'après la tradition, il fit la route à pied. Dans l'esprit de ces trois personnes, il ne pouvait y avoir qu'une seule pensée. Il est probable que Saint Joseph avait connaissance des mystères de la Passion aussi bien que la Sainte Vierge, et il fut révélé à Jeanne-Marie de la Croix que Saint Joseph, avant de mourir, reçut la faveur d'éprouver dans une mesure convenable toutes les peines de la Passion, d'une manière semblable à ce que nous lisons des autres saints, parmi lesquels il s'en est trouvé à qui il a été accordé de participer ainsi à l'un des mystères de la Passion, ou à tous. Ainsi, de même que la dernière Pâque était toujours devant les yeux de notre Seigneur, de même elle n'était jamais oubliée par Marie ni par Joseph. Elle se présentait surtout vivement à eux chaque fois qu'ils se rendaient à Jérusalem. Lorsqu'ils poursuivaient leur marche sur les collines, à travers les vallons, sur les routes blanches qui s'étendaient comme un fil sur les vertes montagnes, le calvaire, avec ses trois croix, se détachait sur le ciel comme le but réel de leur voyage. Mais tout n'était pas toujours clair pour la Sainte Vierge. De même que notre Seigneur voilait quelquefois à sa vue les opérations de son cœur sacré, ainsi quelquefois l'avenir cessait d'être présent pour Marie, et elle cessait de comprendre tout le mystère du présent. Elle se reposait de tout sur Jésus, et c'était pour elle une joie que chaque chose appartint à son Fils, et que rien ne fût à elle. Car, qu'est la créature, autre chose que le vide rempli par le Créateur? Ainsi, conformément à la volonté de Dieu, notre Sainte Mère ne pensait guère que, tandis que le calvaire de son Fils était encore bien éloigné, le sien était tout proche. Combien son amour pour Jésus s'accrut dans ce voyage à Jérusalem. La pensée de la douloureuse Passion s'unissait dans son cœur à la vue de l'enfant de 12 ans qui était devant ses yeux extérieurs, et l'amour s'élevait en elle comme une mère. À chaque moment il lui paraissait infiniment plus précieux qu'il ne l'avait été le moment d'auparavant, tellement qu'il lui semblait qu'elle ne faisait que de commencer à l'aimer convenablement, et cependant, le moment d'après son amour s'augmentait encore. Elle savait bien, elle avait toujours su qu'elle ne pourrait jamais l'aimer comme il méritait d'être aimé. Supposons quelque chose qui nous semble dépasser toutes les possibilités, supposons 1000 Maries, elle n'aurait jamais pu aimer Jésus dignement. Il y avait aussi dans le Créateur approchant de l'adolescence quelque chose de plus que dans le Créateur enfant. L'enfance, encore privée du secours de la parole, sa faiblesse, la contradiction palpable et visible entre cet état et les éternelles perfections de Jésus, donnait à ce quelque chose le caractère mieux marqué d'un mystère. La nature humaine était tranquille, passive et cachait la nature divine. Les actions qu'on voyait étaient les simples actions mécaniques de la vie humaine, elles en étaient comme la végétation spontanée. Les opérations de la raison parfaite, dont les perfections inexprimables existaient depuis le premier moment de la conception, sans qu'elles fussent soumises à la loi du développement, ces opérations étaient invisibles. C'était là un mystère évident, et les choses sont en quelque sorte moins mystérieuses quand elles s'annoncent ouvertement comme des mystères. Mais dans l'adolescence de Jésus, la volonté humaine devenait plus apparente. Il s'y faisait peut-être des révélations d'un caractère humain tout particulier. L'esprit donnait une expression appréciable à la physionomie. Il y avait une manière de marcher, de faire agir les mains, et beaucoup d'autres choses qui rendaient l'adolescence plus définie, plus personnelle que l'enfance. Le cœur d'une mère ne laisse passer aucune de ces remarques sans les apprécier. Elles sont les aliments de l'amour maternel, au moment précis où la première indépendance de l'adolescent est une épreuve après la douce dépendance de l'enfant. Mais il faut nous rappeler ce qu'étaient toutes ces choses en Jésus, afin de bien juger de ce qu'elles étaient pour la Sainte Vierge. Qui peut douter qu'il y eût une beauté spirituelle qui répandait son éclat sur tout ce qu'il faisait, une grâce céleste qui respirait dans toutes ses actions et qui captivait à toute heure par de nouvelles surprises le cœur de la mère. Mais, par-dessus tout, ces choses faisaient ressortir merveilleusement la nature divine. Il semble que ce soit là une contradiction. Mais si nous réfléchissons, nous verrons que, plus la volonté humaine était manifestée, plus il y avait de développement et d'action dans la nature inférieure, plus aussi la gloire de la personne divine devait se révéler elle-même en vertu de l'union hypostatique. Quand le mystère demeurait immobile dans le silence de l'enfance, il était adoré comme dans un sanctuaire, mais quand il se mouvait, qu'il parlait, qu'il travaillait et qu'il voulait dans les actes et les mouvements sans nombre de la vie de chaque jour, il s'avançait pour ainsi dire en dehors de son sanctuaire et se montrait aux hommes. Il dardait des yeux de Jésus, il parlait par ses lèvres, la musique s'en échappait par la voix de Jésus, il se trahissait dans la démarche de Jésus, il distillait de ses doigts la myrrhe la plus précieuse. Toute la vie extérieure de Jésus fut lumière et parfum, lorsque son enfance fut passée, que le jour de son adolescence eut commencé et que les ombres se furent retirées. Il agissait pendant tout le jour, et ses actions avaient en elles l'empreinte ou le parfum de la volonté humaine d'une personne divine. C'est pourquoi elle coulait comme la fontaine des jardins, comme la source des eaux vives qui coulent du Liban en abondance. Est-il étonnant alors que Marie atteignit les portes de Jérusalem dans cette 12e année, moins capable que jamais de se passer de Jésus, et qu'elle sentit qu'il était de plus en plus impossible à son cœur de vivre loin du sien? Ils atteignirent Jérusalem avant le commencement de la semaine des Azimes, et pendant ce temps, ils firent leur dévotion dans le temple, visitèrent les pauvres et les malades, et accomplirent les autres œuvres accoutumées de miséricorde. Il serait impossible de compter les merveilles surnaturelles qui émanèrent de ces trois personnes terrestres pendant la semaine des Azimes et s'élevèrent jusque devant le trône de la très sainte Trinité. Qui oserait comparer aucun saint avec Joseph? Dans quelle étonnante union avec Dieu, dans quelle flamme d'amour héroïque, dans quels abîmes d'humilité semblables à ceux de Marie ne demeura pas Joseph, cette ombre du Père éternel, en honorant toujours par l'ombre qu'il répandait l'auguste majesté et la personne terrible et adorable dont il était le représentant. Des générations de saints hébreux avaient monté ces marches du temple, et avaient fait des offrandes de prières, et de louanges plus agréables, que tous les parfums aromatiques brûlés pendant des siècles devant Dieu. Cependant qu'étaient toutes leurs adorations réunies auprès d'une seule prière de Marie, de ses hymnes de louanges ou de son Magnificat récité une seule fois? Mais lorsque Marie et Joseph s'agenouillèrent ensemble dans le temple, toute la sainteté créée, celle des anges et des saints resta en arrière, comme perdue dans le lointain. Plus d'un bon vieillard, dans ces temps-là, pensait sans doute au jour de David et à l'océan d'adoration qui, dans ses glorieux psaumes, montait continuellement et sans jamais tarir. Il pleurait peut-être en pensant combien étaient dégénérés les temps modernes comparés aux anciens, et les modernes adorateurs à côté de ces grands prophètes et de ces chanteurs inspirés de l'antique Israël. Il ne se doutait guère de la gloire incomparable des cœurs de Jésus et de Marie. Mais combien le mystère devient plus profond quand le Dieu éternel s'agenouille entre Marie et Joseph, lui dont le nom est ineffable, et qui est alors âgé de 12 ans. 12 années humaines comptées par le retour des saisons et par les phases de la lune. Les cantiques continuèrent-ils dans le ciel quand le Verbe incarné pria sur la terre? Tous les anges ne se couvrirent-ils pas de leurs ailes? Et ne demeurèrent-ils pas dans la crainte, et le silence pendant que la prière du Dieu coégal s'élevait devant le trône, faisant disparaître dans l'ombre les pauvres prières des créatures? Et Marie, et Joseph, cessèrent d'élever leurs prières vers le trône qui est dans le ciel ou vers la sainte présence annoncée par le voile. Mais, prosternés et ravis en extase, Ils adorèrent l'Éternel placé entre deux, et confessèrent, dans une muette reconnaissance, la redoutable divinité de l'enfant dont la parole arrachait presque leur âme à son tabernacle terrestre. Aucun temple reçut-il jamais pareille consécration ? N'était-il pas étonnant que la terre continuât à tourner dans l'espace comme auparavant, que le soleil se leva et brilla comme à l'ordinaire, que la lune, montant derrière les collines, argenta la partie de la terre qu'elle éclairait, et descendit de nouveau à l'horizon opposé, sans que ses globes témoignassent, même par un sourire, qu'ils eussent quelque sentiment de ce qui se passait? N'était-il pas plus étonnant encore que Jérusalem vaqua à ses affaires et ne sentit pas instinctivement qu'il lui arrivait quelque chose de plus merveilleux que les triomphes de David, plus grand que Salomon, plus ancien que le jour d'Abraham, était parmi la foule, c'était celui qui pouvait détruire le temple et le rebâtir en 3 jours, un enfant de 12 ans, beau à voir, mais qui n'était pour Jérusalem que l'un des nombreux enfants que les mères avaient amenés à la fête dans ses anciens murs et dans son sanctuaire historique. Mais la semaine des azimes s'acheva. La multitude s'était, selon la coutume, rendue en foule dans la cité sainte, comme il arrive de nos jours à Rome pendant la fête de Pâques. Chaque tribu avait envoyé ses adorateurs, il en était venu des villages les plus méridionaux de Siméon, du partage de Ruben au-delà des montagnes d'Abarim, de Manassès au-delà de la rivière, des rivages d'Azer, ou de la contrée d'où le Liban voit Nephtali à ses pieds. Suivant la coutume, la multitude se formait en groupes séparés en quittant Jérusalem à des heures différentes, les hommes ensemble et les femmes ensemble. Ils partaient dans l'après-midi, les hommes par une porte, les femmes par une autre, pour se réunir au lieu de repos de la première nuit. Par ce moyen, on évitait la confusion. Tous ceux qui étaient étrangers à Jérusalem quittaient la cité sans amener des scènes qui n'auraient guère été appropriées à un temps si solennel et qui auraient été si inconvenantes, surtout après les occupations religieuses de la semaine écoulée. Les routes ne s'encombraient pas non plus tout d'un coup, mais cette immense multitude se dispersait tranquillement en ordre et avec calme. Ce fut ainsi que Marie et Joseph furent séparés durant la première journée de leur voyage, qui n'était en réalité que le voyage d'une après-midi. Ce fut ainsi qu'une occasion se présenta à notre Seigneur de se séparer d'eux sans être aperçu, de sorte que quand les femmes, à la caravane desquelles Marie appartenait, furent réunies à leur porte particulière, Jésus ne s'y trouvait pas. Mais les enfants pouvaient aller aussi bien avec leur père qu'avec leur mère. C'est pourquoi, sans doute, Jésus était avec Joseph. Il manquait à Marie, mais il était doux de penser pour elle combien, pendant ce temps, il remplissait le cœur de Joseph de flots de joie et d'amour. Il fallait que Marie apprît de bonne heure à ne pas être égoïste au sujet de Jésus, car un jour viendrait où il lui serait enlevé. Hélas, ce jour était arrivé, jour qu'elle n'avait pas soupçonné, et Jésus avait disparu. Elle continua son voyage, et, comme les révélations des saints nous l'apprennent, comme, d'ailleurs, les voies ordinaires de Dieu nous auraient amené à le soupçonner, le Saint-Esprit inondait son âme d'une douceur inaccoutumée, préliminaire habituel d'une épreuve extraordinaire. Ses pensées étaient doucement distraites de l'absence de Jésus. Elle était absorbée en Dieu, foulait le sol, suivait le sentier, et ne répondait que machinalement aux questions qui lui étaient adressées. Son âme était comme réchauffée dans les fournaises de l'amour divin pour devenir capable de supporter l'épreuve qui allait venir. Les ombres du soir étaient tombées sur la terre avant que les deux troupes d'hommes et de femmes se fussent rencontrées au lieu du repos. Joseph attendait Marie, mais Jésus n'était pas avec lui. Le cœur de Marie défaillit en élèvant qu'elle parla. Joseph ne savait rien, son humilité se serait étonnée si Jésus l'eût accompagné de préférence à sa mère, avait supposé que Jésus était avec Marie et n'avait pas été inquiet. Le tumulte de la halte, les cris de la foule, les préparatifs du repas du soir, le déchargement des bêtes de somme qu'on menait ensuite à l'abreuvoir, rien n'arrivait à leurs oreilles. Ils se trouvaient soudainement seuls, seuls parmi la multitude. Plus seuls que deux cœurs n'avaient jamais été, depuis le soir où le soleil s'était couché sur Adam et sur Ève, leur montrant les montagnes du paradis comme des portiques d'or désormais infranchissables. Joseph était écrasé jusqu'à terre, la lumière s'éteignit dans le cœur de Marie et fut suivie d'une désolation plus terrible que jamais ça n'en a connue. Que signifiait cet événement? Jésus partit. C'était pour Marie une idée plus difficile à concevoir que ne l'avait été le mystère de l'incarnation. Si l'univers avait cessé de tourner, c'eût été moins surprenant. Si les trompettes du jugement avaient sonné, le cœur de Marie n'aurait pas frémi comme alors. Ils s'informaient parmi leurs parents et leurs connaissances si Jésus était avec eux, car beaucoup d'entre eux aimaient l'enfant avec des aspirations de cœur dont ils ne se rendaient pas compte. Marie et Joseph s'informaient, mais Marie savait que c'était inutile. Elle connaissait trop bien Jésus pour ne pas être certaine que s'il avait été dans la compagnie, il serait depuis longtemps venu rejoindre sa mère. Ce n'était pas un accident si vulgaire qui dut rompre l'union de son cœur avec celui de Jésus. Elle sentait que la profondeur de sa misère n'allait pas être aussi superficielle, un abîme s'était ouvert, et un vent froid s'en échappait et glaçait chaque recoin de son âme. Ils continuèrent leurs recherches. Ils ne reçurent que des réponses négatives, variées seulement par différents degrés de sympathie. Ils avaient fini de prendre des informations, et une nuit profonde était survenue, le soleil s'était couché pour un côté du globe et s'était levé pour l'autre, mais ce que l'hémisphère de la nuit ne cachait pas, ce que l'hémisphère du jour ne voyait pas, c'était deux cœurs plongés dans une misère aussi extrême que l'étaient ceux de Marie et de Joseph. Il y avait cette nuit-là beaucoup de douleurs sur la terre, il n'y en avait pas comme celle de Marie. Il y a eu beaucoup de nuits, depuis lors, avec leur belle obscurité parsemée d'étoiles. Et beaucoup d'incroyables douleurs sans une seule étoile de consolation. Mais il n'y a pas eu de douleur comme celle de Marie. Les étoiles auraient cessé de briller si elles avaient eu des cœurs. Les ténèbres auraient versé des larmes de sang, au lieu de rosée, pour s'associer à l'angoisse et à l'abandonnement de cette nuit mémorable. Quand toute l'Égypte retentit soudainement, au milieu de la nuit, des gémissements affreux que causait la mort des premiers-nés, et que le fleuve troublé sembla précipiter son cours loin des sons intolérables et déchirants de la douleur humaine, les innombrables cris qui se réunirent en une seule voix épouvantable, comme si la terre elle-même eût exhalé des plaintes depuis les cataractes jusqu'au delta. Ces cris ne pouvaient révéler un poids de misère tel que celui qui pesait à cette heure sur le seul cœur de Marie. Marie et Joseph retournèrent vers la ville sainte, seuls, silencieux et marchant dans les ténèbres. Leurs pieds étaient blessés et fatigués, mais que leur importait, leur cœur était plus fatigué et plus blessé encore. Les ténèbres qui régnaient dans l'esprit de Marie étaient plus profondes que celles qui couvraient les collines. Quand même la lune de Pâques n'aurait pas brillé alors, ils auraient vu la lueur blanche de la route, mais nulle route pour sortir de sa douleur, nulle route ne se montrait au cœur de Marie. Tout le passé n'avait-il pas été, non pas un songe assurément, mais une chose transitoire ? Marie ne devait-elle plus voir Jésus? Avait-il pour toujours cessé d'illuminer le cœur de sa mère? Venait-il de voiler à jamais pour elle son propre cœur? Ce cœur si beau dont le voile avait été relevé pour elle depuis 12 ans, ce cœur dont elle avait vu tous les mystères, lu tous les secrets, et dans la vie duquel elle avait vécu presque continuellement? Était-elle indigne de lui? Elle savait qu'elle l'était. Est-ce pour cela qu'il l'avait laissée? Cela n'était pas de lui. Mais Marie ne voyait pas les choses comme auparavant, et cela pouvait bien être. Était-il retourné vers son père, abandonnant sans le racheter le monde qui ne voulait pas de lui? Non, c'était impossible, il n'avait pas encore payé le prix de son immaculée conception. Les tyrans sommeillent rarement. Si Archélaus avait épié l'occasion pour se saisir de Jésus, Hérode pouvait avoir laissé cette charge à son fils comme un legs de son artificieuse politique. Peut-être s'était-elle méprise sur la date du calvaire, et cette date était-elle alors arrivée? Son enfant n'était-il pas suspendu sur une croix en ce moment même, dans les ténèbres sur quelques montagnes hors de l'enceinte de la ville? Quelle agonie dans ces ténèbres inaccoutumées de son âme! Elle avait auparavant vu en esprit toute la passion. Comment l'événement avait-il eu lieu? N'y était-elle pas? Elle ne peut se le rappeler, elle ne peut se souvenir de rien. En elle, il n'y a que des ténèbres qui couvrent tout. Peut-être en ce moment, Jésus meurt-il sans elle, verse-t-il son sang, et elle n'est pas auprès de lui. Quelle agonie! Est-il allé à la mort sans lui dire, à dessein et par bonté? Oh, non, une bonté si cruelle aurait été contraire à l'union de leur cœur. Mais cette séparation même, sans une parole, puis cette obscurité intérieure dans laquelle il a enveloppé son âme, comment cela s'accorde-t-il avec l'union de leur cœur? Ah, il n'y a pas de certitude sur laquelle on puisse alors s'appuyer, si ce n'est la certitude qu'il est Dieu. Cette douleur même lui montre qu'elle ne doit rien conclure de ce qui est arrivé auparavant. Il semble que le passé n'a nécessairement prophétisé l'avenir. Quelle souffrance pour Marie de ne pouvoir comprendre le passé. L'obscurité soudaine, après une clarté excessive, frappe comme un coup de foudre. L'âme de Marie voudrait voir mais, elle est voilée et atteinte d'une cécité qui se joue d'elle. Rien ne lui est laissé maintenant, excepté ce qui ne fut jamais enlevé des profondeurs de son âme, le don de la paix. Oh, combien les eaux de l'amertume s'élevèrent silencieuses des abîmes infinis de cette paix, cette amertume souterraine, et qui ne la connaît pas après l'avoir sentie une fois, cette amertume nous laisse son goût pour toute la vie. Peut-être était-il allé dans le désert pour rejoindre cette merveille de sainteté érémitique. Le jeune fils de Zacharie, Jean, que plus tard on devait appeler le Baptiste, Jean faisait son noviciat, dans cet âge si tendre, parmi les bêtes sauvages, vivant seul, tourmenté par la faim, en proie à la chaleur et au froid, au vent et à la pluie, se préparant pour sa mission. Se préparant à être le précurseur de Jésus dans sa prédication. Le fils de Marie était-il allé rejoindre Jean pour partager son noviciat? Elle aurait su qu'il n'en était pas ainsi, si elle avait pu voir aussi clairement que de coutume. Mais le tourment de ses ténèbres intérieures c'était de ne plus sembler comprendre Jésus. Et c'était là la seule lumière dont elle eut besoin. Outre cela, tout le reste du monde aurait pu être obscur pour elle, et elle aurait pu porter son fardeau facilement. Mais ne pas comprendre Jésus était, dans son martyre, une variété à laquelle elle n'avait jamais songé. Cependant, la plupart des mères n'éprouvent-elles pas un tourment semblable quand leurs enfants, au milieu de nouvelles épreuves, dans des situations dont ils n'ont pas encore l'expérience, Et au moment où ils ont le plus besoin de leur ancienne union avec le cœur de leur mère, leur retirent néanmoins leur confiance enfantine, vivent dans leur propre cœur, et portent des mystères écrits sur leur front. Il y a des cœurs pour qui cette peine est bien vive, mais on ne peut la comparer à celle qu'éprouve un mari quand l'adolescente de Nazareth commence à paraître différente de l'enfant de Bethléem. Peut-être était-il allé à Bethléem visiter son propre sanctuaire. Mais pouvait-il avoir à y faire des choses liées à la rédemption du monde? Et s'il y était allé seulement parce que cela lui plaisait? Était-ce conforme à sa manière ordinaire d'agir? Marie restait dans la plus grande perplexité. Quelques heures auparavant, elle aurait répondu non, avec la plus grande confiance. Maintenant, elle n'était pas si certaine, son humilité même lui donnait plus d'incertitude que les ténèbres seules ne l'auraient fait. Tout cela s'accordait si peu avec son caractère. Il pouvait faire alors ce qu'il voulait, quelque chose qu'il fit serait sans doute une action sainte. Or, il pouvait tout faire, aussi loin que l'intelligence que Marie avait de Jésus pouvait aller. Mais s'il était allé seulement pour satisfaire sa dévotion, Jésus n'aurait-il pas préféré être accompagné de ses parents? En outre, se serait-il absenté pour son plaisir sans les en avertir, sachant combien serait terrible pour eux la peine que leur causerait son absence? Marie ne pouvait pas être sûre qu'il n'eût pas agi ainsi, car pourquoi s'était-il absenté? Pourquoi causer cette peine? S'était-il donc soustrait à leur autorité? Mais il n'a que 12 ans. Encore une fois, s'il avait agi ainsi, n'aurait-il pas parlé? Elle ne saurait le dire, elle ne peut rien dire, elle ne sait rien. Seulement, il est Dieu. Le cœur meurtri de Marie ne peut que se résigner et saigner silencieusement. Elle est crucifiée dans les ténèbres comme Jésus le sera un jour. Il l'a abandonnée comme son Père l'abandonnera lui-même un jour. Poursuit ta route, pauvre mère fatiguée, délaissée, abandonnée. La première lueur du jour a atteint les tours de Sion, traîne-y ton inexplicable fardeau d'affliction, fille admirable du Très-Haut. Pendant ce temps-là, où est notre Seigneur? À Jérusalem. Nous savons quelque chose de ce qu'il y faisait. L'Écriture nous en rapporte la partie la plus étrange, les révélations des saints nous découvrent ce que nous aurions pu deviner comme probable. Il avait prié longtemps dans le temple, puis il était allé aux assemblées des docteurs et des anciens. Et là il les avait trouvés s'efforçant de détourner le sens des prophéties anciennes et d'imaginer un Messie glorieux, guerrier, triomphant, politique, qui devait accomplir la délivrance politique de son peuple opprimé. C'est là qu'il voit le grand obstacle à l'admission de sa doctrine et au mystère de l'incarnation. Il faut que cet obstacle soit renversé. Il faut du moins que ceux qui ont des oreilles pour entendre soient appelés à entendre la vérité. L'œuvre de Jésus est celle de son Père céleste. Ainsi donc il se met modestement en avant comme pour adresser des questions. Sa douceur gagne tous les cœurs. Lorsqu'il parle, les docteurs les plus graves sont suspendus à ses lèvres. Il présente ses objections avec douceur. Suggère un sens merveilleux à des prophéties profondes. Amène ceux qui l'écoutent à reconnaître que leurs opinions ne sont pas soutenables, et tire de la vérité spirituelle comme une leçon qu'il recevait lui-même, et non comme une sagesse nouvelle qu'il répandait en eux. Combien de cœurs ne prépara-t-il pas ainsi pour lui-même? Et de combien de vocations apostoliques ne peut-il pas avoir alors jeté indirectement les fondements? Quand Pierre convertit des milliers d'hommes par un discours, quand il offrit 1000 âmes à chacune des 3 personnes divines, la première fois qu'il prêcha, Une grande partie de l'ouvrage ne pouvait-il pas avoir été déjà fait par la doctrine qui avait découlé des questions de l'enfant de Nazareth? Pendant ces 3 jours, comme nous l'apprennent quelques saints, notre Seigneur avait mendié son pain de porte en porte, afin de pratiquer une pauvreté plus grande encore que celle qui le pressait à Nazareth. Par ce moyen, il avait donné des aumônes aux pauvres. Il avait aussi visité les riches, il avait rempli des fonctions serviles auprès d'eux, il leur avait fait entendre des paroles de bonté et les avait attirés vers Dieu. Pendant la nuit, il avait dormi sur le sol nu, le long des murs des maisons. La terre au moins ne pouvait guère refuser un lit à celui qui l'avait tiré du néant. Ainsi, le Créateur de toutes choses, privé maintenant des soins de sa mère, vivait d'expédients dans son propre monde, comme un jeune mendiant âgé de 12 ans. Oh, sur combien de nuances de la vie notre Maître béni n'a-t-il pas semé la consécration de ses souffrances? Nous ne pouvons douter que Marie et Joseph, quand ils entrèrent le matin dans Jérusalem, ne soient allés d'abord au temple pour appeler la bénédiction de Dieu sur ce fardeau de douleur qui les courbait jusqu'à terre. Ils n'étaient pas non plus sans espoir d'y retrouver Jésus. Durant tout le jour, ils parcoururent péniblement les rues de Jérusalem. Marie examinait les passants comme elle ne l'avait jamais fait auparavant, mais Jésus ne paraissait nulle part. Ils demandaient partout des renseignements, quelques-uns les écoutaient patiemment, mais avec froideur, d'autres avec mauvaise humeur, comme si on les dérangeait, d'autres étaient bons et sensibles mais ils n'avaient rien de consolant à apprendre. Une femme demanda à Marie de lui faire le portrait de son enfant, et avec quelle fidélité Marie ne le fit-elle pas? Hélas! Cette femme avait vu un jeune garçon, mais il ne ressemblait pas à Jésus. Elle n'eût jamais pu l'oublier si elle eût une fois eu le bonheur de le voir. D'autres faisaient naître un espoir qui s'évanouissait aussitôt. Puis sur la douleur de Marie, venait se placer un monde de bons avis qui ne rendait pas son fardeau plus léger. Pourquoi ne le cherchait-elle pas ici? Pourquoi ne le cherchait-elle pas là? Bonnes âmes, elle l'avait cherché partout. Elle l'avait cherché comme les mères cherchent leurs enfants égarés, et il n'y a guère de lieu qui soit oublié dans une semblable recherche. Puis, quelqu'un avait fait une aumône à un jeune garçon qui n'était pas très différent de la description que Marie donnait de Jésus, et dont la beauté et les manières avaient fait une vive impression sur la personne qui l'avait vue. Mais celle-ci ne pouvait rien dire de plus. Toutefois c'était là un rayon de lumière pour Marie. Il était clair qu'il n'y avait pas dans le monde de jeunes garçons qui pussent répondre à cette description qu'elle donnait. Ensuite, une autre femme, en ouvrant le matin la porte de sa maison, avait vu un jeune garçon couché par terre sous l'auvent. Elle ne l'avait vu qu'un instant, mais elle savait qu'il était beau et qu'il avait les cheveux blonds. Une autre avait vu un jeune garçon semblable à celui dont parlait Marie, il partageait un pain dans la rue entre 2 mendiants, mais on n'avait pas remarqué de quel côté il s'en était allé. Il était donc hier à Jérusalem, s'il n'y était plus aujourd'hui. Mais une autre personne l'avait vu le matin même auprès d'un malade. Il y avait là plus de lumière. Marie pouvait se faire montrer où demeurait la personne malade. Elle la vit et lui parla. Elle entendit la pauvre affligée décrire les manières attrayantes de l'enfant qui l'avait soignée. Sa voix, ses yeux, ses saintes paroles qui avaient fait couler les larmes des yeux de la malade. Et fait sentir à son âme l'étrange présence de Dieu que l'enfant avait laissé après lui. Le cœur de Marie brûlait. Elle écoutait avidement chacune de ses paroles. C'était Jésus, ce ne pouvait être aucun autre. Mais de quel côté était-il venu? Où était-il allé? La malade ne pouvait le dire. Elle ne savait rien. Il était venu et parti. Pendant qu'il était avec elle, elle était si absorbée en lui, qu'elle n'avait pas songé à lui faire de questions. Et le soleil descendait à l'occident, il disparut entièrement, les ombres tombèrent et le calme de la nuit enveloppa Jérusalem, mais Jésus n'était pas retrouvé. La journée avait été fatigante, ni Marie ni Joseph n'avaient encore mangé. Ils étaient affamés de l'enfant. Un cœur brisé a moins besoin que les autres de sommeil et de nourriture. À l'extérieur, la nuit était sombre, mais dans l'âme de Marie, la nuit était plus sombre encore. Que ce fut après 3 jours entiers durant lesquels Marie resta, pour ainsi dire, ensevelie dans ces affreuses ténèbres, ou que ce fut le 3e jour au matin. Toujours est-il que Marie et Joseph allèrent au temple pour mettre de nouveau leur douleur devant le Seigneur. Ils entrèrent par la porte orientale. Or, près de cette porte était une salle spacieuse, une sorte d'académie dans laquelle les interprètes de la loi siégeaient, répondaient aux questions, décidaient sur des points douteux et réglaient les discussions. Dans sa défense devant Félix, saint Paul parle de cet endroit, lorsqu'il dit qu'on ne l'avait pas trouvé disputant dans le temple. C'était aussi là, au pied de Gamaliel, que le grand apôtre des gentils avait appris les traditions de la loi. Joseph et Marie avaient à passer près de l'entrée de cette académie. Ce n'était pas un lieu où il était probable qu'ils trouvassent ce qu'ils cherchaient. Mais l'oreille de Marie avait saisi un son auquel il lui était impossible de se méprendre. C'est la voix de Jésus. Ils entrent. Les docteurs regardent l'enfant avec un mélange de crainte et de plaisir. Il n'y a jamais eu jusqu'alors un tel docteur au milieu d'eux. Joseph et Marie s'étonnèrent aussi. Marie n'avait pas encore entendu ce ton de la voix de Jésus ni vu la même lumière dans ses yeux. À sa présence, elle adora du fond de l'âme, mais elle avait des droits sur cet enfant qui étonnait les sages et les anciens de la nation. Elle aurait voulu se prosterner devant lui, mais elle savait que ce n'était ni le lieu ni le temps. De sorte qu'elle s'avança et lui dit « Mon fils, pourquoi en avez-vous ainsi agi avec nous? Voilà votre père et moi qui vous cherchions. » Étant fort en peine. Jésus pouvait bien le voir sans que Marie le dît. Il pouvait voir les ravages que le chagrin avait fait sur le visage de Marie. Il pouvait l'entendre dans sa voix faible et tremblante. Il pouvait le voir dans la faiblesse qui faisait presque succomber Marie sous ses transports de joie. Mais il n'avait besoin ni de le voir ni de l'entendre. Il n'avait jamais été éloigné d'elle. Il avait reposé dans le cœur de Marie pendant tout ce temps-là, il lui avait mesuré exactement la quantité de force physique et de grâce céleste dont elle avait besoin pour supporter ses peines. Le propre cœur de Jésus avait été crucifié avec celui de Marie, mais le mystère n'était pas encore accompli. Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je sois occupé aux affaires de mon père ? » Il a ôté le glaive de Siméon et enfoncé le sien. Pourquoi Marie l'avait-elle cherché ? Oh, pensez à Bethléem, au désert, à l'Égypte et à Nazareth. Pourquoi l'avait-elle cherché ? Pauvre mère, eût-elle pu faire autrement que de le chercher ? Comment eût-elle pu vivre sans lui ? Il y avait 1000 raisons pour qu'elle le cherchât. Nie-t-il les droits de sa mère, va-t-il les lui enlever, et précisément au milieu de la joie qu'elle éprouve à le retrouver? Des droits, mais ils étaient un don de lui. Il pouvait les retirer s'il lui plaisait, mais sa chair, son sang, son cœur qui battait, n'était-il pas dans un certain sens ceux de Marie? Non. Ceux de sa mère étaient plutôt ceux de Jésus. Mais le droit qu'elle avait de l'aimer, Le Créateur lui-même peut-il enlever ce droit à la créature? Non, ce droit est inaliénable. Il faudrait que la création fût anéantie pour que ce droit fût détruit. S'il va se séparer d'elle maintenant, à la porte orientale du temple, elle, porte d'Orient véritable, elle l'aimera néanmoins comme auparavant, et non seulement comme auparavant, mais mille fois davantage. Ce regard, ce ton, lorsqu'il était au milieu des docteurs, ils ont pénétré jusqu'au fond de l'âme de Marie. Pour elle, c'était des révélations absolues de Dieu. Les ténèbres sont-elles dissipées? Loin de là. Jésus vient de les épaissir momentanément par ses paroles. Ils ne comprirent point ce qu'il leur disait. Mais il ne va pas quitter Marie, il s'est occupé dans Jérusalem des affaires de son Père céleste. Maintenant les mêmes affaires le ramènent à Nazareth, et lui, encore plus beau, et Marie, encore plus sainte, et Joseph, plus près de Dieu que jamais, et plus ressemblant à l'ombre du Père éternel depuis le dernier obscurcissement, il se remet en chemin pour Nazareth, où durant 10, 8 années consécutives, avec les visites annuelles à Jérusalem, Marie jouira de la présence sanctifiante de Jésus, et le travail de Jésus dans l'atelier montrera que les affaires de son Père céleste et celles de son Père terrestre étaient les mêmes. Ces 18 longues années, pour Marie, c'était voir le libre et magnifique océan après avoir gravi quelques sombres montagnes. Et il s'en alla ensuite avec eux, et vint à Nazareth, et il leur était soumis. Et sa mère conservait toutes ces choses dans son cœur. En décrivant le mystère de cette troisième douleur, nous avons déjà dit beaucoup de choses sur les particularités qu'elle renferme. Néanmoins, il faut que nous nous étendions maintenant davantage sur ses traits caractéristiques. En premier lieu, elle fut la plus grande de toutes les douleurs de la Sainte Vierge. Cela venait en partie de ce que cette douleur entraîna pour Marie une séparation d'avec Jésus, et en partie d'une réunion d'autres circonstances que nous allons examiner tout à l'heure. Nous lisons dans la vie de la bienheureuse Benvenuta Bojano, dominicaine, que pendant qu'elle souffrait de la maladie qui ne lui permit pas de se coucher pendant plusieurs années, mais la força de rester assise sur une chaise, elle se mit à contempler la douleur de la Sainte Vierge durant les 3 jours d'absence. Elle désirait participer à cette affliction, d'autant plus qu'elle avait été elle-même accoutumée à la douleur pendant toute sa vie, qu'elle l'avait même cherchée, qu'elle avait désiré avoir une mauvaise santé, et qu'elle fuyait toute espèce de joie. Elle pria donc avec ardeur notre Seigneur et sa mère de lui accorder la grâce d'éprouver en elle-même la douleur de la Sainte Vierge. Et voilà qu'une dame sainte et vénérable lui apparut, avec un bel et gracieux enfant qui se mit à marcher dans la chambre en se tenant près de sa mère. L'aspect et la conversation de cet enfant remplirent Benvenuta d'un bonheur suprême. Mais, lorsqu'elle voulut toucher l'enfant, il s'éloigna d'elle, et lui et sa mère disparurent soudainement. Alors un violent chagrin s'empara de son âme, il continua en s'accroissant sans cesse, et l'affligea si profondément qu'elle ne trouvait de consolation à rien. Et il lui semblait que son corps et son âme allaient se séparer. C'est pourquoi elle fut obligée de prier la Sainte Vierge de la secourir, car elle ne pouvait plus endurer son chagrin. Au bout de 3 jours, la Sainte Vierge lui apparut avec son fils dans ses bras, et lui dit « Vous avez demandé d'éprouver la douleur dont j'ai souffert par la perte de Jésus, et ce n'est qu'une partie de cette douleur que vous avez éprouvée. Mais ne demandez plus de telles choses, parce que votre faiblesse ne vous permettrait pas de vivre avec une telle agonie. » Marchèse, Journal, 31 octobre. La septième douleur, la sépulture de Jésus, approche seule en violence de cette troisième douleur. Mais, par plusieurs raisons, elle fut beaucoup moins vive. Toutes les deux entraînèrent la séparation de Marie d'avec Jésus, mais, lors de la sépulture, Marie savait que Jésus ne pouvait plus souffrir. Elle comprenait ce mystère. Elle triomphait dans l'accomplissement de la grande œuvre de la rédemption du monde. Elle pouvait compter les heures jusqu'au moment de la résurrection. Dans cette troisième douleur, elle avait perdu Jésus et elle ne savait pas pourquoi, elle ignorait où il était et ce qu'il pouvait souffrir. Elle était plongée dans d'épaisses ténèbres spirituelles, et Dieu semblait l'avoir tout à fait abandonnée. Aussi, les tortures de son cœur n'atteignirent-elles jamais à un degré plus intolérable que durant ces trois jours, pas même au milieu des horreurs de la Passion.